بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini dans ce projet de collaboration entre ma modeste personne et le collectif Lil Ilm wa Rahma pour le savoir et la miséricorde parmi les frères adeptes de la Sunna de Montpellier. Donc, cette assise se veut être une assise autour de l'épître Ithaf al-Uqul bi Sharh Thalathat al-Usul, qui est l'explication de Sheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, dans son explication de Thalathat al-Usul, les trois principes fondamentaux. Et nous avions, pour l'instant, dans l'épître de Sheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, nous avions abordé la première partie de la Muqaddimah. C'est-à-dire que j'avais expliqué que le livre Thalathat al-Usul pouvait être fragmenté en quatre parties. La première partie étant la Muqaddimah, l'introduction, que certains ulema ont décrite comme étant un ajout de ses élèves, comme Cheikh Munir al-Sa'di, parmi les mashayikh du Yémen, l'avait mentionné dans son explication de Thalathat al-Usul. Il avait mentionné que ce sont ses élèves qui ont rajouté cette Muqaddimah, mais que l'épître en elle-même aborde le fondement numéro 1, la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam et la connaissance du messager d'Allah directement. Et que la Muqaddimah sera un ajout de ses élèves. C'est un avis émis par les gens de science. Et cette Muqaddimah serait la première partie de cet épître. Ensuite, la connaissance d'Allah serait la deuxième partie de cet épître. La connaissance de la religion de l'islam serait la troisième partie de cet épître. Et la connaissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serait la quatrième partie de cet épître. Nous sommes toujours dans la Muqaddimah, dans l'introduction du livre. Et la Muqaddimah, elle, peut être divisée en trois parties, trois paragraphes. Et nous sommes dans la première section de cette Muqaddimah, qui tourne autour de quatre points essentiels. Al-ilm, al-amalu bi, al-da'watu ilay, wa sabr al-adhafi. Donc on avait vu qu'il fallait apprendre la religion, qu'il fallait appliquer ce que l'on a appris, que l'on devait transmettre ce que l'on a appris et appliqué, et que l'on devait faire preuve de patience quant aux répercussions qui découleraient de cet appel. Puis on avait vu le dalil de ces quatre points, qui était Sourate al-Asr. Et on avait vu quelles étaient les parties de cette sourate qui servent d'argument, de témoin argumentatif pour ces quatre points. Puis, nous avions abordé la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, en commentaire de cette noble sourate. Puis, nous nous étions arrêtés lorsque nous avions vu la parole de l'imam al-Bukhari. La parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans laquelle il avait dit, yani, que il avait mentionné le verset « فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ » dans son chapitre relatif à la science. C'est-à-dire dans son chapitre « Kitab al-Ilm » dans son sahih, il a un chapitre qui s'appelle « Bab al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal » « La science précède la parole et l'action ». Et il a mentionné la preuve. Et la preuve était le verset de Sourate Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens du verset, « Et sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que en faveur des croyants et des croyantes. » Taïb. Donc, nous étions arrêtés ici. C'est là que nous nous étions arrêtés. Donc, dans l'ouvrage, nous sommes à la page 34. Donc, concernant le verset, « فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ » Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc nous allons voir les explications de Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, concernant cette partie de l'épître. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabiri a expliqué que Cheikh rahimahullah bayyana al-shahid. C'est-à-dire que Cheikh Ubayd explique que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab à clarifier l'aspect argumentatif de ce verset. C'est-à-dire que ce verset, qu'est-ce qu'il nous montre? Il a expliqué ce que l'on tire de ce verset dans ce contexte. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. C'est-à-dire que dans ce verset-là, Allah a dit فَعْلَمْ, sache, donc il a commencé par la mention de la science, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ. Donc, أَوَّلَنَ الْعِلْمِ. Donc le premier élément mentionné dans ce verset-là, c'est le fait de savoir, donc le fait d'avoir le savoir. Et ensuite, il y a été fait la mention de l'acte. Et donc, Cheikh Ubayd al-Jabari mentionne « Ya'lam qabla an tad'u an-nasa ila ad-din illahi annahu yajibu 'alayka an tata'allam » C'est-à-dire qu'il mentionne en disant « Sache qu'avant que tu te mettes à appeler les gens, c'est-à-dire les appeler à l'islam, que tu les appelles à la religion d'Allah, il faut impérativement que tu apprennes au préalable. » Wa qad dhakara Cheikh Ibn Sa'd, subhanallah. Excusez-moi, mon téléphone est tombé. وقد ذكر الشيخ ابن السعدي رحمه الله في التفسير هذه الآية ثمانية أسباب لحصول العلم باللا إله إلا الله حيث قال. Donc là, ce que l'on va voir, c'est le tafsir de ce verset, c'est-à-dire le verset يعني فعلم أنه لا إله إلا الله, sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, à la lumière du tafsir de Cheikh Sa'di. Et le Cheikh Sa'di, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un grand savant qui a eu comme élève des ulema, yani des gens qui sont devenus des ulema. Pour ne citer qu'un d'entre eux, on pourrait citer Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Et si on devait en citer quelques autres, on pourrait yani mentionner Cheikh Abdallah al-Bassam ou Cheikh Abdallah al-Aqil, qui font partie des grands élèves de Cheikh Sa'di. Et Cheikh Sa'di a marqué son époque, rahimahullah. Et il a marqué les différents domaines de la religion. C'est-à-dire que Cheikh Sa'di n'est pas juste exceptionnel dans le sujet du tafsir. Il a écrit dans la aqida, il a écrit dans le fiqh, il a écrit dans usul fiqh, il a écrit dans qawaid al-fiqh. Il a écrit dans de nombreux domaines. Et dans chaque domaine dans lequel il a écrit, ses livres ne sont pas passés inaperçus. Ils ont marqué ces matières. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des références. Walil al-Hamd, c'est un homme qui a énormément contribué au monde scientifique. Mais parmi les ouvrages par lesquels il s'est distingué, yani particulièrement, c'est son tafsir du Coran. Et donc justement, là, il a mentionné dans son tafsir, Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne ces fawaïd de Cheikh Sa'di, dans son tafsir de ce verset, dans lequel il a mentionné « Thamaniyata asbab li husul ilmi bi la ilaha illallah » Huit causes qui permettent d'acquérir la connaissance de la ilaha illallah. Donc, je vous invite à être attentif. Donc, ahaduha, l'une d'entre elles, bal a'zamuha, et c'est la plus grandiose d'entre elles, la plus grande des causes qui permet de parvenir à la connaissance que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, tadabbur asma'ih, le fait de méditer les noms d'Allah, wa sifatih, et de méditer quant à yani, et la yani, le fait de méditer sur sa nom et de yani, de connaître ses attributs, wa af'alihi, et ses actes, ad-dallati ala kamalihi, qui nous indique sa perfection, wa 'azamati, sa majesté, wa jalalihi, sa splendeur ou sa magnificence, fa innahu tujibu badl al-juhd fi ta'alluhi lah. Car cette connaissance-là, c'est-à-dire la personne qui connaît Allah par ses noms et ses attributs, qui connaît les noms d'Allah et qui connaît leur sens, et qui connaît les attributs d'Allah, et qui a correctement étudié ce sujet-là, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va faire qu'il va s'efforcer dans la divinisation de son Seigneur, c'est-à-dire dans le fait de vouer un culte exclusif à son Seigneur. Il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il va faire des efforts dans l'adoration de ce Rabb al-Kamil, de ce Seigneur qui est parfait. Alladhi lahu kullu hamdin wa majdin wa jalal wa jamal. C'est celui à qui reviennent toutes les louanges, toute forme de glorification, toute majesté et toute beauté. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ce point-là. En effet, la connaissance des noms et des attributs est une connaissance qui est extrêmement bénéfique. Car comme Cheikh al-Islam al-Qayyim rahimahullah avait dit que celui qui connaîtra Allah par ses noms et ses attributs, c'est une obligation. C'est-à-dire que quiconque aura véritablement connu d'une connaissance véridique et authentique les noms d'Allah et ses attributs, il va l'aimer. Et également, les ulama ont dit que plus une personne augmentera dans la connaissance qu'il a de son Seigneur, plus il aura peur de lui. Et donc plus il aura peur de lui, donc plus il sera obéissant envers lui. Et notre cher Khalid al-Dhafiri, Hafidhahullah, a expliqué un hadith Concernant les noms d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Allah yani possède 99 noms. Et celui qui les retient rentrera au paradis. Cheikhouna Cheikh Khalid avait expliqué que pour concrétiser la récompense qui est mentionnée dans ce hadith, il faut concrétiser trois étapes. La première, c'est le fait de mémoriser les noms d'Allah. Et ils sont au nombre de 99 parmi ceux que nous connaissons. Ça ne veut pas dire que les noms d'Allah sont limités à 99, mais ceux que nous, dont nous connaissons l'existence, qui nous ont été transmis, sont de 99. Si on compile ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Donc la première étape pour concrétiser la récompense promise et mentionnée dans ce hadith, ça commence par la première étape, la mémorisation de ces noms. La deuxième, c'est l'étude de ces noms, c'est-à-dire ce qu'ils englobent et comme sens, comme connotation qu'ils revêtent. Le troisième aspect, c'est le fait d'œuvrer en conformité avec ce qu'ils impliquent. Et notre cheikh Khalid al-Dhafiri, dans son explication de l'Umat al-Irtiqad, et dans son explication de Adim al-Minna, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avait mentionné une parole de Ibn al-Qayyim dans laquelle il avait dit que chaque nom d'Allah a une dévotion religieuse qui lui est liée. C'est-à-dire que, par exemple, quelle dévotion religieuse il y a dans la connaissance d'Allah, dans la connaissance des noms d'Allah, As-Sami'a wal-Basir, comme Allah l'a mentionné dans le verset de Surat Shura, le verset 11. Laysa kamithlihi shay, wa huwa As-Sami'a wal-Basir. Donc la connaissance de ces deux noms, par exemple, parmi les noms d'Allah, il est As-Sami'a, Dhu-Sama', c'est-à-dire celui qui a l'ouïe. Il est Al-Basir, Dhu-Al-Basar, c'est-à-dire qui est celui qui a l'attribut de la vue. Quelle dévotion religieuse tu vas avoir par rapport à Allah, par rapport à suite à ta connaissance de ces noms et de ce qu'ils impliquent? Ça veut dire que dans ta vie privée comme dans ta vie publique, tu parles et tu t'exprimes en ayant une foi convaincue, yani enracinée, forte et enracinée, du fait que ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala t'entend à tout instant. Donc tu fais attention à ce que tu dis. Ça rectifie tes propos, tes paroles. Tu fais attention à ce que tu dis. Et quand ton nom Al-Basir, le fait qu'Allah est celui qui voit toutes choses, c'est lié à l'attribut d'Al-Basar, l'attribut de la vue, ça va rectifier ta vie privée, ta vie publique quant à tes actes. Car tu sais et tu es convaincu que ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala te voit à tout instant. Donc ceci va rectifier ta manière de te comporter en privé comme en public. Donc ça, ce sont les sens que... Il y a la dévotion qui est liée à ces deux noms, par exemple. Et ça, c'est juste une explication succincte. Et concernant le fait que le cheikh a mentionné, cheikh Saadi, rahimahullah, à lui le revient « Kullu hamdin », toute louange, « wa kullu majd » et toute forme de glorification. « Wa majdin ». Cheikh Mustafa Mabram, rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, dans son explication d'Al-Jawharat al-Farida, qui est un ouvrage de Cheikh Hafidh al-Hakami, rahimahullah, avait mentionné une faïda. Comme vous le savez, la louange d'Allah, qu'est-ce que c'est? C'est l'éloge adressé à Allah, accompagné d'amour et de vénération. Et justement, si la mention élogieuse d'Allah, azzawajal, est répétée, comment on appelle ça? La première fois, c'est Alhamd, mais la deuxième fois, comment on appelle ça? C'est Tamjid. C'est-à-dire, la deuxième fois c'est Athana, et la troisième fois c'est ce qu'on appelle Tamjid, une forme de glorification. Et justement, il y a un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah, c'est-à-dire un hadith Qudsi, dans lequel Allah azzawajal a décrit que la prière il a divisé la prière entre lui et son serviteur, et que son serviteur aura ce qu'il demande. Et là, ce qui est voulu par la salah, ça fait référence plus précisément à Al-Fatiha. Et que justement, lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah dit « Hamidani Abdi ». C'est-à-dire que mon serviteur a fait mes zélol, a fait ma louange, a proclamé ma louange. Ensuite, lorsque le serviteur dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », naam, alors Allah Azza wa Jalla dit « Athna alayya abdi » Mon serviteur a fait mon éloge. Ensuite, la troisième étape, c'est lorsque tu dis « Maliki yawmiddin » Alors ça a été qualifié comme étant « At-Tamjid » « Majadani abdi » Et ça, c'est rapporté dans le hadith, dans le sahih de l'imam Muslim. Et justement, pour retenir cette faïda, Cheikh Mustapha Mabram, dans son explication d'Al-Jawharatul Farida, de Cheikh Hafez al-Hakami, a mis cette faïda sous forme de poésie. Il a dit Alhamdu dhikru li sifati al-Khaliqi, bi hubbi wa ta'zim la tufariqi, in kurira dhikru fa dha thana'u, aw zida fa tamjidu fa dua'u, dalilu ma qultu rawahu muslimu, qasmu salati wal mufidu al-Qayyimu. Ça reprend tout ce que je viens de dire sous forme de poésie. La poésie vous sera envoyée, Inch'Allah, pour les frères d'entre vous qui voudraient mémoriser cette faïda. Tayyib. Donc le premier point, la première cause qui permet de parvenir à la connaissance de la ilaha illallah, c'est la connaissance et la méditation quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de ses noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala. La deuxième, le cheikh mentionne, cheikh Sa'di, العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. C'est-à-dire le fait de savoir que Allah Ta'ala est celui qui est le seul à créer et le seul à avoir le contrôle total et absolu sur l'ensemble de sa création. Donc فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. Donc la personne qui a cette connaissance-là, du fait qu'Allah est le seul qui crée et qui a le contrôle sur l'univers, donc de ce fait, il sait qu'Allah est le seul à qui revient le droit légitime d'être divinisé par l'adoration. Ensuite, le troisième point. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإنه ذلك يجب تعلق القلب به ومحبته وتأله له وحده لا شريك له. C'est-à-dire que le troisième élément qui permet de parvenir à la connaissance de la ilaha illallah, le premier, on peut le résumer que la première cause, c'est le fait de connaître Allah dans ses noms et ses attributs et ses actes. Le deuxième, c'est le fait de savoir que Allah est le seul à créer et le seul à gérer l'univers, à contrôler l'univers, contrôler la création. Le troisième, c'est le fait de savoir, la troisième cause, c'est le fait de savoir qu'il est celui qui est le seul à accorder les bienfaits. Al-Zahira, les bienfaits qui sont constatables, qui sont apparents, wal-Batina, et qui sont cachés, qui ne sont pas perceptibles par tous. Et que ce soit des bienfaits qui sont d'ordre religieux, al-Diniya ou al-Dunyawiya, et que ce soit d'ordre mondain, yani concernant la Dunya. Et donc, le fait d'avoir cette connaissance-là, le fait que tu saches que Allah est celui qui est le seul qui accorde ses bienfaits, et c'est grâce à ses serviteurs, aussi bien ses bienfaits apparents que cachés, que ce soit des bienfaits relatifs à la religion, relatifs à la vie mondaine, ceci va faire que ton cœur va se lier à lui, et ton cœur va se mettre à l'aimer. Et tu vas donc lui vouer un culte exclusif, sans aucun associé. La quatrième cause permettant de savoir qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, « Manarahu wa nasma'ahu » من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعيم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. Donc c'est-à-dire ce que nous constatons et ce que nous avons entendu relatif quant à ce qui est relatif à la récompense qu'il a accordé à ses pieux serviteurs, ses alliés, ses pieux serviteurs. لأوليائه. الأولياء c'est le pluriel de wali. Le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'avait mentionné, c'est kullu mu'min taqi, c'est-à-dire tout croyant, c'est-à-dire donc toute personne qui a la foi et qui a craint Allah. Car Allah les a décrits dans son livre, alladhina amanu wa kanu yattaqun, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui ont craint, qui ont été pieux vis-à-vis d'Allah, qui ont craint pieusement Allah. Donc, il nous est parvenu, nous avons vu et nous avons constaté, observé plutôt, et entendu ce qui a été rapporté concernant la récompense qu'Allah a accordée à ses pieux serviteurs parmi ses alliés, ceux qui ont établi et concrétisé son tawhid, et de ce qu'ils ont reçu de la part d'Allah comme secours et comme bienfait dans ce bas monde. Et également de ce que nous avons su comme châtiment qui a atteint ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis d'Allah parmi les mushrikines, ceux qui lui donnent des associés. Et donc, le fait de savoir cela, ceci, فَهَذَا دَاعٍ إِلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ كُلِّهَا. Et donc, ceci est quelque chose qui nous invite à avoir la connaissance du fait qu'il est, ta'ala, Lui qui est le Très-Haut, le seul qui mérite l'adoration et que l'adoration se doit de lui être vouée exclusivement. Le cinquième point, parmi les causes qui te permettent de savoir qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, ma'rifatu awsafil awthani wal andad allati ubidat ma'allah. Le fait de connaître les caractéristiques de ces idoles et de ces êtres qui ont été établis comme des égaux avec Allah et qui furent adorés avec lui. Wattukhidat aliha. Et qui furent prises comme des divinités, c'est-à-dire qu'ils se sont vus octroyer, vouer un culte. Le fait de connaître leurs caractéristiques. Wa annaha naqisa min jami' al-wujuh. Et le fait de constater et de savoir que ces objets d'adoration qui sont divinisés en dehors d'Allah sont déficients, quel qu'en soit l'angle de considération. Faqiratun bidhat, qui en elles-mêmes elles sont démunies. La tamliku li nafsiha wa la li'ibadiha naf'an wa la darra. Et c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être, yani pour elles-mêmes ou vis-à-vis de ceux qui leur vouent un culte, ils ne peuvent pas leur être utiles ou leur causer un quelconque tort. Elles sont incapables de faire quoi que ce soit, ni pour leur propre personne, ni pour autrui. Wala mawtan wala hayatan. Et ils ne sont pas capables de provoquer, c'est-à-dire ces idoles et ces égaux établis en dehors d'Allah. Yani ils sont incapables de causer ni mort ni vie. Wala nushura et ni résurrection. Naam. Et ils ne peuvent pas secourir leurs serviteurs. Et ils ne peuvent pas leur être utiles ne serait-ce que d'un atome. Que ce soit dans le fait de leur procurer un bien ou de repousser de eux un mal. فَإِنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ يُجِبُ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبُطْلَانِ إِلَهِيَ مَنْ سِوَاهُ. Et donc le fait de savoir cela, ça te permet de façon catégorique de te rendre compte et de savoir pertinemment que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et ça te permet de savoir également que ces idoles divinisées en dehors d'Allah sont divinisées bil-batil, c'est-à-dire qu'elles sont illégitimes. Sadis, la sixième cause qui permet de savoir qu'il n'y a nulle divinité ni d'être adorée si ce n'est Allah, ittifaqu kutubillah ala dhalika. C'est-à-dire le fait que les livres d'Allah, les livres qu'Allah a révélés tabaraka wa ta'ala, sont tous unanimes. C'est-à-dire que tous les livres d'Allah dont Allah a fait révélation ont affirmé ceci. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre qu'Allah a révélé dans lequel il est contrevenu ou contredit sa parole. C'est-à-dire que tous les livres d'Allah azza wa jal ont affirmé et ont attesté le fait que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. La septième cause, anna khawas al-khalq. Le fait que l'élite de l'humanité, alladhina hum akmalu khaliqa akhlaqan, ceux qui sont les plus aboutis de la création en termes de comportement, wa uqulan, et en termes de raison, wa ra'yan, et en termes d'opinion, wa sawaban, et qui sont les plus promptes à être sur la rectitude, sur ce qui est correct, wa ilman, et qui sont les plus complets en termes de connaissances. Et ce sont les messagers et les prophètes ainsi que les savants pédagogues. Ils ont attesté de cela pour Allah, c'est-à-dire le fait que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Donc ce qui peut être résumé, ce point-là peut être résumé dans le sens où l'élite de l'humanité, les prophètes et les messagers et les savants, ont tous attesté de l'unicité d'Allah et de son droit exclusif dans l'adoration. D'être adoré seul. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم الدلالة تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من اللطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. Et le dernier point, la huitième cause, c'est qui nous permet de parvenir à la connaissance de la ilaha illallah. Ce sont les preuves de cela qui témoignent du fait que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, parmi les preuves qu'il a mis dans sa création, c'est-à-dire les preuves cosmiques et les preuves qui sont inhérentes aux serviteurs, an-nafsiya, qui sont inhérentes aux serviteurs, qui prouvent le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une argumentation qui est grandiose. Et en elles-mêmes, ces preuves, en elles-mêmes, elles impliquent cela. et qui nous montre la splendeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, son lotf qui se manifeste dans sa création. Naam. Et sa sagesse splendide. Et c'est ce qu'il a créé parmi les choses extraordinaires. Ensuite, le cheikh a abordé la suite du verset. C'est-à-dire que ce verset-là, le verset de Surat Muhammad, فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, il a une suite. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. Ça, c'est la suite. Cependant, j'aimerais approfondir avec vous le sujet de la shahada. C'est-à-dire le fait que la ilaha illallah. Comme vous le savez, cette kalima, cette phrase, est celle qu'on appelle kalima tawhid. Et justement, cette phrase-là est la phrase par rapport à laquelle nous avons été créés. Le fait que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et elle a des conditions et elle a des piliers. Les deux conditions de... Les deux piliers, pardon, de la ilaha illallah sont al-nafi wa al-ithbat. La négation ainsi que l'affirmation. La négation de l'adoration de tout ce qui est adorant en dehors d'Allah, ainsi que l'affirmation de son droit exclusif à l'adoration. Et quant à ces conditions, elles ont été énumérées par le grand savant de la sunna, Cheikh Hafid ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah, dans sa poésie Sulam al-Wusul, dans laquelle il a dit « Wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat, wa fi an-nusus al-wahyi haqqan waradat, fa innahu lam yantafi' qa'iluha bin-nutqi illa haythu yastakmiluha al-'ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba wafaqaka Allahu lima ahabba. » Donc je vais traduire le sens de ces différentes conditions et on va étudier ensemble une petite parenthèse à travers laquelle je vais vous traduire l'explication de notre cheikh Khalid al-Ghafiri de cette poésie de Sulam al-Wusul. Et donc justement, wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat. Donc c'est-à-dire que l'attestation de la ilaha illallah, yani ces conditions ont été énumérées et ont été délimitées au nombre de 7. Certains ulama 18. Mais Cheikh Hafid al-Hakami, dans ce passage, en mentionne 7. وَفِنْ نُسُوسِ الْوَحِي حَقًّا وَرَدَتْ. Et elles ont en toute vérité été mentionnées dans les textes de la révélation. C'est-à-dire qu'elles sont présentes dans les nusus. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِرْ قَائِلُهَا بِنُطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. Et tant que la personne n'aura pas concrétisé ces conditions-là, le fait de prononcer cette attestation par la langue ne sera pas suffisant. Il n'en bénéficiera pas. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui dit « La ilaha illallah » mais qui est un mushrik et qui persiste dans le shirk, cette attestation ne lui sert à rien. Et donc ensuite, il a procédé à énumérer les conditions de « La ilaha illallah » dans lesquelles il avait dit « Al-ilm » la science. Ça, c'est la première condition. « Wal-yaqin » deuxièmement, la certitude. « Wal-qaboul » l'acceptation. « Wal-inqiyadu » la soumission, la servilité. Fadri ma aqulu, yani comprends donc ce que je dis. Wa sidqu, la véracité. Wal ikhlas, la sincérité. Wal mahabba, l'amour. Wa faqaka Allahu lima ahabba, qu'Allah t'accorde le succès dans la concrétisation de ce qu'il aime. Et donc nous allons étudier ensemble les explications de notre noble cheikh, le cheikh Khalid ibn Dahoui al-Dhafiri, quant à l'explication de cette partie de cette poésie. Cheikh Khalid al-Ghafiri, rahimahullah, hafidhahullah, excusez-moi, a dit « Yubayyina rahimahullahu ta'ala anna la ilaha illallah qad quyyidat fi nusus al-shar'i bi quyudi wa shurut la yantafi' minha al-abdu bi qawliha duna l'iltizam bi hadhihi shuruti wa taqayyudi biha. » Je vais résumer et synthétiser les propos du Cheikh. Donc le Cheikh, il a expliqué que Cheikh Hafidh al-Hakami, dans ce passage, il a mentionné que l'attestation de la ilaha illallah, elle a été délimitée ou elle a été émise, il y a des conditions qui ont été émises la concernant. Et donc la personne, le serviteur, ne bénéficiera pas de cette attestation et de sa prononciation tant qu'il ne se sera pas conformé à ces conditions, qu'il ne les aura pas respectées. Et il donne un point important, il dit « فَكَثِيرٌ مِمَّا يَقَعُ فِي الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ تَأْتِيهُ وَتَقُولُ لَهُ قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله. Il dit car beaucoup de gens parmi ceux qui tombent dans le polythéisme et dans l'adoration des morts et des mausolées et des tombeaux, si tu viens à lui et que tu lui dis la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, yaqulu laka la ilaha illallah. Il te le dira, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Bal min ba'di adhkarihim annahum yaquluna la ilaha illallah alaf marrat. Et même ces gens-là parmi les polythéistes, parmi eux, il y a des gens qui ont parmi leur forme de dhikr qu'ils font le fait de réciter la shahada, de la ilaha illallah, il le récite peut-être des milliers de fois. Walakin hal tanfa'uhum hadhihi al-kalima? Cependant, est-ce que cette parole leur est bénéfique? Idha lam yuhaqqiqu shurutaha? S'ils n'ont pas concrétisé ces conditions de validité? La, non, elle ne leur est pas bénéfique. Bal labudda min bayan shurutiha wal-amal bimuqtada hadhihi shuruti hatta takunu la ilaha illallah kalimatan nafi'atan tanfa'u al-'abd. Il faut impérativement qu'ils aient concrétisé ces conditions, qu'ils les aient mises en application, c'est-à-dire que ces conditions, ce qu'elles impliquent comme œuvre, ils se soient conformés et qu'ils aient agi en conformité avec ce que ces conditions impliquent comme œuvre, afin que cette kalima, cette phrase qui est la ilaha illallah, leur soit bénéfique. حَيْثُ أَنَّهُ قَالَهَا وَطَبَقَهَا وَعَمَلَ بِمُقْتَدَهَا. Dans le sens où il la prononce et il l'a appliqué. Il a appliqué et œuvré en conformité avec ce qu'elle implique. وهذه شروط السبعة جاءت مستقرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et il dit que ces sept conditions, elles ont été extraites suite à la consultation exhaustive des textes du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et Cheikhouna Cheikh Khalid a abordé la première de ces شروط. Il dit أول هذه شروط وهي العلم ويدل على ذلك قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله. Donc la première de ces conditions, c'est l'ilm. Il dit, ce qui prouve cela, c'est la parole d'Allah. Il a mentionné le verset de Surat Muhammad, le verset 19, que l'on a étudié il y a quelques minutes. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache qu'il n'y a nulle divinité ni d'être adoré si ce n'est Allah. قَالَ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Le verset de Surat Zukhruf, le verset 86. À l'exception de celui qui aura attesté de la vérité, alors qu'ils savent, tout en sachant. وهم يعلمون. Ça c'est الشاهد. وهم يعلمون. Ensuite il dit وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Le hadith d'Uthman ibn Affan رضي الله عنه, dans lequel il a rapporté que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, quiconque meurt tout en sachant, alors qu'il sait que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, دخل الجنة, il rentrera au paradis. وهذا العلم ينافي الجهل. Et cette science-là, elle s'oppose à l'ignorance. Donc il faut avoir la science et la connaissance de ce qu'implique et ce que revêt comme connotation cette attestation. Ensuite, il aborda Cheikh Hafidhahullah يعني واليقين وهو شرط الثاني المنافي للشك, concernant la certitude, qui est la deuxième de ces conditions de validité de cette attestation, qui est en opposition au doute, l'échec. Il dit فَيَقُولُهَا وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا. Donc la personne se doit de la prononcer en étant convaincue concernant la véracité de cette attestation. لَا يَرِدُ فِي قَلْبِهِ يَعْنِ اَيُّ شَكٍ. Il n'y a pas dans son cœur la présence d'un moindre doute, de l'ombre d'un doute concernant cette attestation. بِمَا تَقْتَدِي هَذِهِ الْكَلِمَ. Il ne doute pas un seul instant يعني concernant la véracité et la légitimité des connotations que revêt cette attestation. كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Il mentionne le verset de Sourate Al-Hujurat, le verset 15, dont le sens en français est: et certes les véritables croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et à son messager, ثم لم يرتابوا, c'est-à-dire puis qui par la suite ne doutent point, c'est-à-dire qu'ils sont donc certains, ils ne sont pas affectés dans leur certitude. Il dit Cheikh Khalid Al-Dhafiri, il dit hey, لم يكن في قلوبهم أي شك في إيمانهم بالله وإيمانهم برسوله صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas dans leur cœur le moindre doute quant à leur foi en Allah et leur foi qu'ils ont dans le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. كما هو حال المنافقين, comme c'est le cas des منافقون, les hypocrites. وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه Bashirhu bil Jannah. C'est-à-dire dans le hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque tu rencontres de l'autre côté de ce mur qui atteste de que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, tout en étant mustaqin, c'est-à-dire tout en ayant une certitude dans son cœur, bashirhu bil Jannah, fais-lui la bonne annonce du paradis. Concernant Ash-Shartu Thalith, Cheikhouna Cheikh Khalid al-Dhafiri a abordé la troisième condition. Et c'est l'acceptation qui est en opposition au fait de rejeter. Au fait de rejeter. Donc la personne qui respecte cette condition a accepté, son cœur accepte cette attestation, cette phrase. Et il ne la rejette pas. Et il ne la rejette pas comme l'ont rejeté les mushrikoun, les polythéistes, lorsqu'ils se sont enflés d'orgueil face à elle. Qala subhanahu wa ta'ala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana li sha'irin majnun. Il mentionna le verset 35 et 36 de sourate As-Saffat, dans lequel Allah azza wa jalla dit, selon le sens en français des versets, et certes lorsqu'il leur était dit, c'est-à-dire lorsqu'il était dit aux polythéistes, lorsqu'il leur était dit, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, yastakbirun, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc ils rejetaient cette attestation et ce qu'elle impliquait comme sens. Donc parmi les conditions, la soumission, l'obéissance, qui s'oppose au délaissement, c'est-à-dire le délaissement de l'obéissance. Donc ceux qui ont respecté cette condition, ils se sont soumis à cette attestation, c'est-à-dire ce qu'elle implique comme sens et comme connotation. Ils ont été obéissants, ils ont donc obéi aux ordres d'Allah. Ils n'ont donc pas délaissé la concrétisation et la conformisation aux ordres d'Allah. كما قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Et revenez tous repentants vers votre Seigneur, وأسلموا له, et soumettez-vous à lui. Donc ça renvoie à la soumission, l'obéissance, la servilité. ومن شروط كذلك, et parmi les conditions, الصدق, la véracité. Qu'est-ce que ça veut dire? يقولها صادقا بها. C'est-à-dire que lorsque la personne atteste, quand tu dis « La ilaha illallah », quand une personne, par exemple, va dire « Ashhadu », qu'est-ce que ça veut dire? Il professe extérieurement concernant quelque chose qui se passe intérieurement, mais il peut être un menteur. Et c'est ça le cas du munafiq, que là, qu'Allah me préserve du nifaq ainsi que vous. Le fait que le munafiq, même s'il dit « J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah », lui, à l'intérieur de lui, il n'y croit pas. Donc quand tu attestes de cette phrase-là, tu es en train d'attester de quelque chose que tu prétends être en fond de toi, dans ton cœur. Tu exposes quelque chose qui est censé être dans ton cœur. Donc ton cœur est censé être en conformité avec ta langue. Donc à sitr, yaquluha sadiqan biha. Il dit cette attestation en étant véridique. Wa huwa al-munafi lil-kadhib. Et c'est donc en opposition au mensonge. Parce que le munafiq, il prétend, j'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, mais il ne croit pas en l'existence d'Allah peut-être. Ou il ne croit pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, son droit exclusif à l'adoration. Donc il dit cela en tant que mensonge. Il dit une parole qui est vraie, mais le fait de prétendre y croire, c'est un mensonge de sa part. Donc, fayaquluha, je reprends dans les propos de Cheikhina, fayaquluha sadiqan bilisani. Donc il dit cette phrase-là en étant véridique quant à ce que sa langue prononce. Wa yuwafiqu dhalika qalbu. Et son cœur est en concordance avec ça. C'est-à-dire, ce qu'il dit avec sa langue, c'est véritablement ce qu'il y a dans son cœur. Son cœur est en accord avec sa langue. Il professe vraiment ce en quoi il croit. Kama qala ta'ala, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, faly'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Sourate Al-Ankabut, le verset 1 à 3. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, selon la traduction approximative du sens des versets de ce passage du Coran, les gens pensent-ils que nous les allons les laisser dire, nous croyons, c'est-à-dire nous sommes des croyants, et ils ne seront pas, sans qu'ils ne soient mis à l'épreuve? Certes, nous avons mis à l'épreuve, nous avons certes éprouvé ceux qui sont venus auparavant, alors Allah fait apparaître, Alladina sadaqu, sidq, C'est-à-dire, Allah a éprouvé ceux qui. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, nous avons certes éprouvé ceux qui sont venus auparavant, avant eux. Ainsi, Allah fait apparaître ceux qui parmi eux ont été du nombre des véridiques et fait apparaître ceux qui sont du nombre des menteurs. Non. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Attendez 2 secondes, je vais boire. Excusez-moi. Donc, قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث معاذ في الصحيحين ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Donc, dans un hadith rapporté par معاذ qui est dans الصحيحين, c'est-à-dire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a pas un individu qui atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager, tout en étant véridique dans son cœur, sans que de par cela, Allah ne l'interdise au feu. Allahu Akbar. Ensuite, wa amma sharti sadis, quant à la 6e condition, fa huwa al-ikhlas, c'est-à-dire le culte exclusif, la sincérité dans le culte, la sincérité. فَيَقُولُهَا مُخْلِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc le fait que cette personne prononce cette attestation, il y en est sincèrement et exclusivement pour Allah. لَا يُخَالِطُ ذَلِكَ أَيُّ شَائِبَةٍ مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ. Il n'y a aucune trace de polythéisme dans cet acte. سَوَاءً شِرْكًا أَكْبَرًا أَوْ شِرْكًا أَصْغَرًا. Que ce soit une forme de polythéisme majeur ou de polythéisme mineur. كَمَا قَالَ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ Ala lillahi dinul khalis. Il mentionne le verset de Surat Az-Zumar, le verset 3. Et Allah revient le culte exclusif. Et il mentionne le verset numéro 5 de Surat Al-Bayyina. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Et Hunafa, excusez-moi, j'ai oublié une partie du verset. Et il ne leur fut ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en pur monothéiste. Wa kama qala sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Utban ibn Malik. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وهذا هو الإخلاص. Donc dans le hadith de Utban ibn Malik, il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الله حرم على النار. Allah a interdit au feu. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Allah a interdit au feu de toucher toute personne qui aura dit: nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et en désirant par cette attestation la face d'Allah. Donc ça, cher, il dit wa hadha huwa al-ikhlas. Ensuite, ash-shart as-sabi' wa huwa al-mahabbah li hadhihi al-kalima. Donc ensuite, la dernière de ces conditions, la 7e d'entre elles, c'est l'amour de cette phrase, de cette attestation. Wa lima taqtadi, l'amour de cette attestation et de ce qu'elle implique. وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. Donc c'est ce qu'elle implique et ce vers quoi elle oriente, ce qu'elle revêt comme connotation. وَلِأَهْلِهَا. Et ça, c'est un point important, soyez attentifs. وَلِأَهْلِهَا. C'est-à-dire de l'amour que la personne porte, et yani que la personne voue, ou plutôt qu'éprouve, à l'égard des adeptes de cette phrase. C'est-à-dire que tu aimes l'attestation de la ilaha illallah, mais que tu aimes également ses adeptes. C'est-à-dire que tu aimes les musulmans. Et ça, c'est un lien avec un sujet important dans la religion qui est Al-Wala. Par rapport à un sujet grandiose, Al-Wala ou Al-Bara. L'alliance et le désaveu. Donc tu aimes cette parole, tu aimes ce qu'elle contient comme sens, ce qu'elle revêt comme connotation, ce qu'elle implique, et tu aimes ceux qui se conforment à cette attestation, c'est-à-dire les musulmans. Donc il dit wa li ahli at-tawhid fa yuhibbu at-tawhid wa yuhibbu ahli at-tawhid. Donc c'est-à-dire qu'il aime le tawhid et il aime les adeptes du tawhid, les musulmans. Kama qala Allah azza wa jalla, kama qala azza wa jalla. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Sourate Al-Baqara, le verset 165. C'est-à-dire, parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, qu'ils érigent en dehors d'Allah. يحبونهم كحب الله. Les aimant d'un amour similaire à l'amour qui est voué à Allah. والذين آمنوا أشد حبا لله. Et ceux qui ont cru sont les plus ardents quant à leur amour qu'ils éprouvent vis-à-vis d'Allah. فهذا ما دلت عليه هذه الأبيات في بيان شروط لا إله إلا الله. Donc voici ce que ce vers quoi orientait et ce qu'indiquaient ces différents vers de poésie quant à la clarification des conditions de la ilaha illallah. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان معنى العبادة وذكر بعض أنواعه. Donc ensuite dans la suite du poème Sulam al-Wusul, Cheikh Hafid al-Hakami a procédé à décrire et à clarifier le sens de l'adoration et de la mention de ces différentes formes d'adoration et de ces différentes manifestations. Mais ça, on l'étudiera si un jour j'ai l'honneur de vous enseigner Sulam al-Wusul. Barakallahu fikoum. Sachant que je l'étudie en ce moment avec Cheikh Khalid, avec les explications de Cheikh Khalid dans le merkez de Cheikh. Wallahi alhamd. Qu'Allah m'accorde le succès et la sincérité dans cette œuvre. Donc on espère qu'on aura une bonne note à l'examen et qu'Inch'Allah on aura l'honneur de vous l'enseigner en entier par la suite. Bi'idhnillahi azawajal. Taïb. Donc revenons-en au propos de Cheikh Ubayd al-Jabiri. On va faire un récapitulatif déjà avant de passer à la suite des 8 points, c'est-à-dire des 8 causes qui permettent de parvenir à la connaissance de la ilaha illallah. Car comme ça, celui qui n'a pas pris de notes jusqu'à présent, il peut les prendre en note à présent. Donc les 8 causes que Cheikh Sa'di rahimahullah a mentionnées dans son tafsir qui permettent de parvenir à la connaissance de la ilaha illallah, la première c'est le fait de méditer, donc de méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance et la méditation concernant les noms d'Allah. Et donc les effets bénéfiques qui découlent de la connaissance de ses noms, de ses attributs, de ses actes. Ça c'est le premier point. Le deuxième, le fait de savoir qu'il est le seul à créer et à contrôler tout ce qui existe. La troisième, c'est le fait qu'il est celui qui est le seul qui accorde les bienfaits. Le quatrième, concernant la connaissance de ce qu'il a accordé à ses pieux alliés et de ce avec quoi il a frappé ses ennemis. Le cinquième, le fait de connaître les caractéristiques des choses qui sont idolâtrées en dehors d'Allah, qui sont établies comme des égaux avec Allah. Connaître leurs déficiences. Le sixième point, concernant le fait que les livres révélés sont unanimes sur la shahada, sur le sens de la ilaha illallah. Le septième point, le fait que l'élite de l'humanité a attesté de cela. Et l'élite de l'humanité, on avait vu que c'était Al-Anbiya, Al-Rasul, Al-Ulama, Al-Rabbaniyoun. C'est-à-dire les prophètes et les messagers, ainsi que les savants pédagogues. Ce sont l'élite de l'humanité. Et le huitième point, concernant les preuves qui sont présentes dans la création d'Allah Azza wa Jal. On peut le résumer comme ça. Par rapport à min al-adillati al-ufuqiyya wa al-nafsiyya. C'est-à-dire des preuves et des choses qui prouvent l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son droit exclusif à être adoré. Parmi les signes et les preuves de cela, qui sont présents dans sa création, Azza wa Jal. Taïb. Puis Cheikh Ubayd al-Jabri a mentionné « Wa'ayatul bab » donc il vient à mentionner la complétion du verset, c'est-à-dire que le verset qui avait été cité par l'imam al-Bukhari, il mentionne la suite du verset. Donc le verset, la partie qui avait été mentionnée par l'imam al-Bukhari, c'était « Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik » Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, et implore le pardon quant à ton péché. Taïb. Mais la suite du verset, qu'est-ce que c'est ? Walil mu'minin wal mu'minat. Donc, et en faveur des croyants et des croyantes. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Donc, ça, cette partie du verset, ça fait référence. Il y en a d'abord, la première partie faisait référence à la science. Al-ilm bima'naha, la science de la shahada. وَالْعَمَلْ بِمُقْتَدَاهَا et le fait d'œuvrer en conformité avec ce que cette attestation implique. وَمَا تَطْلَبُهُ مِنَ الْعِبَادِ et ce qu'elle requiert de la part des serviteurs. Et il y a ensuite, donc, deux autres choses. فَفِي قَوْلِهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ donc dans cette partie de la suite du verset, et implore le pardon quant à ton péché et en faveur des croyants et des croyantes, دليلنا على أن الفاسق الملي عاصي الموحدين لا يخرج من مسمى الإيمان. Ça c'est une notion très importante à retenir. C'est-à-dire que le fasiq al-milli. Qu'est-ce que c'est al-fasiq? Le fasiq, vous le trouverez souvent traduit comme étant le pervers. Mais ce terme-là, en vérité, je dis pas que c'est une mauvaise traduction, mais le problème c'est que ça peut induire en erreur. Car beaucoup de gens de nos jours, quand on entend le terme pervers, on pense à l'aspect lubrique, l'aspect sexuel uniquement. Tandis qu'en vérité, le fessir, qu'est-ce que c'est? C'est alladhi kharaja anil istiqama. Le fessir, c'est celui qui a quitté la droiture, qui a dérivé de la droiture, qui a dévié. Donc c'est quelqu'un qui a une déviance comportementale, qui est quelqu'un qui est déviant quant à sa religiosité. Donc al-fasiq, c'est quelqu'un qui fait des grandes désobéissances. C'est-à-dire c'est un grand désobéissant. Mais on dit, Cheikh Ubayd al-Jaber a dit, al-fasiq al-milli. C'est-à-dire c'est un fasiq, c'est-à-dire c'est un grand désobéissant envers Allah, mais il est min al-milla. C'est-à-dire qu'il fait partie de nos co-religionnaires. C'est-à-dire qu'il fait partie des adeptes de cette religion. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu kafir. Il n'est pas devenu kafir. Donc il dit, asil muwahidin, c'est-à-dire que c'est un muwahid, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est un membre des polythéistes, il est minam muwahidin, il fait partie des adeptes du tawhid, de ceux qui adorent Allah exclusivement sans lui donner d'associé, mais il fait partie des pécheurs. Et justement, la yakhruj min musam al-iman, il ne sort pas de l'appellation de la foi, c'est-à-dire qu'il ne sort pas du nombre des croyants. On ne le kafare pas, on ne dit pas qu'il est devenu mécréant de par son péché. Et bien entendu, ce qui est voulu ici, c'est-à-dire des péchés moindres que le kofr, bien entendu. Car un croyant qui viendra faire du shirk akbar, ça le sortirait de l'islam, bien entendu. Et donc le fait de ne pas déclarer la mécréance de celui qui fait des grands péchés, qui est un fasiq, le fait de ne pas le kafar, de ne pas le considérer comme étant mécréant, il dit « وَهَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ » Il a dit ça, c'est quelque chose sur laquelle, et à propos de quoi, les adeptes de la sunna du groupe sont unanimes. « مَا أَجْمَعَ » Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Fil fasiq al-milli, concernant le grand désobéissant parmi les adeptes de la religion, innahum mu'minun bi'imani, ils ont affirmé le concernant qu'il est croyant de par sa foi. Fasiqun bikabirati, il est fasiq, il est considéré comme étant un déviant de par l'accomplissement du grand péché dont il s'est rendu coupable. Aw yaqulun, ou d'une autre manière, il le formule d'une autre manière en disant mu'minun naqis al-iman, comme étant un croyant à la foi déficiente. Khilafan lil wa'idiyya min al khawarij al mu'tazila. Tayyib. Là, il aborde une secte, qui est une secte qu'on décrit comme étant al wa'idiyya. Tayyib. Quelle est la secte qui leur est antagoniste dans ce sujet-là? C'est al wa'idiyya. Il y a dans les nusus de la sharia, dans les nusus al wahy, deux notions. Al wa'd wa al wa'id. Qu'est-ce que c'est al wa'd? Al wa'd, c'est la promesse. C'est-à-dire la promesse. Il y a des textes qui font la promesse du pardon, de l'absolution des péchés, du pardon, de la miséricorde. Et justement, il y a des gens qui se sont focalisés sur ces textes-là et qui ont exagéré concernant ces textes-là, tombant dans ce qu'on appelle une forme de ce qu'on appelle irja. Et ça, c'est les murji'a. Ceux qui ont exagéré concernant l'espoir. Qui ont exagéré concernant l'espoir. Après, justement, certains éléments ont expliqué que l'irja, ça vient de ta'khir, et en est le fait de séparer les actes de la définition de la foi. À la Kulihal, on ne va pas aborder forcément cela pour le moment. Mais donc ils ont eu une emphase exacerbée quant au texte relatif au pardon et à la miséricorde. Ça, c'est par rapport à l'Ouad. Ils ont exagéré concernant les textes relatifs à l'Ouad. Donc ça, c'est l'Ouadiyya. Tandis que le groupe qui leur antagoniste, qui a été mentionné ici, c'est l'Ouadiyya. L'Ouad, c'est la menace. Donc, les wa'idiyya, donc ce sont ceux qui ont exagéré concernant les textes relatifs à la menace. Min al-khawarij wa al-mu'tazila. Eux, ils sont communs dans cette manière de penser. Cependant, ils ont une légère distinction, que Cheikh Ubayd al-Jaberi va mentionner. Abordons celle des khawarij d'abord. Il dit, فَإِنَّ الْخَوَارِجْ يُكَفِّرُونَ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَ فِي الدُّنْيَا. Donc, les khawarij, eux, ils ont déclaré la mécréance de celui qui viendra se rendre coupable d'un grand péché. Qu'est-ce que c'est un grand péché? Parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas. Les péchés sont de deux grandes catégories. Ça, c'est basé sur le kitab wa sunna. Naam. Donc, les péchés sont de deux grandes catégories. Il y en a les grands péchés et les petits péchés. Et donc, les grands péchés, parmi les indicateurs qui nous permettent de repérer, de savoir que ça, ce péché mentionné dans un texte de la révélation, c'est un grand péché, le fait que c'est lié à la colère d'Allah, c'est-à-dire que ça provoque la colère d'Allah, ou ça provoque la malédiction, ou ça, le prophète s'en désavoue, il dit que celui qui fait telle chose n'est pas des nôtres, par exemple. Ou il est lié à un châtiment dans cette vie d'ici-bas, une punition corporelle. Ou il est lié à un châtiment dans l'au-delà. Ou il est lié au feu, yani par rapport à un châtiment dans le feu de l'enfer. Ça, ce sont des indications dans les textes, des éléments indicatifs indiquant que le péché mentionné dans ce texte-là est du nombre des grands péchés. Ou également la négation de la foi. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait savoir que le fornicateur, lorsqu'il fornique, il n'est pas croyant. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas dans le sens qu'il est devenu kafir. Ce qui est voulu, c'est la négation de la complétion ou de la perfection de sa foi. C'est-à-dire qu'il est déficient en termes de foi. Non. Tayyib. Et donc, justement, Cheikh Abed al-Jabiri, rahimahullah, dit « فَإِنَ الْخَوَارِجْ يُكَفِرُونَ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَ فِي الدُّنْيَا » Donc, eux, ils considèrent que celui qui s'est rendu coupable de l'accomplissement d'un grand péché, il est kafir dans cette dunya. « وَيَسْتَحِلُّونَ دَمَهُ وَمَالَهُ » Et il considère que ses biens et son sang et ses biens, c'est-à-dire attenter à sa vie, c'est permis. Il considère que son sang et ses biens sont licites. وَإِنْ مَاتَ دُونَ تَوْبَةٍ فَهُوَ عِنْدَهُمْ خَالِدٌ وَمُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. C'est-à-dire que, et auprès de eux, leur croyance, c'est que s'il s'est rendu coupable de ce grand péché et qu'il est mort sans s'en être repenti, c'est-à-dire sans s'être repenti au préalable avant que ne lui vienne la mort, alors pour eux, selon leur conception, il sera éternel pour l'éternité dans le feu. Il existera de façon éternelle et il sera pour l'éternité dans le feu. Voilà, ayadhu billah. Tayyib. Ensuite, donc les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, qu'est-ce qu'ils ont eu comme croyance, eux ? Wa madhhabul Mu'tazila yukhrijun al-fasiq al-milli min al-islam. Ils considèrent que le grand désobéissant parmi les adeptes de la religion, ils le sortent de l'islam. Wa la yukaffirunahu. Ils le sortent de l'islam, mais ils ne le rendent pas mécréant. Comment c'est possible? Tu le sors de l'islam, tu dis qu'il n'est pas musulman. Non, ils le sortent de l'islam, mais ils disent qu'il n'est pas kafir. Comment? Bel, yaj'alunahu fi manzilatin bayna manzilatayn la mu'min wa la kafir. Et ça, c'est un grand égarement, parmi les égarements des Mu'tazilites. C'est-à-dire qu'ils le considèrent dans une station intermédiaire entre deux. Yaj'alunahu fi manzilah. Ils l'ont établi, ils l'ont considéré comme étant dans une station, dans une situation, dans une position, bayna manzilatayn, entre deux stations. C'est-à-dire, la mu'min, il n'est pas du nombre des croyants, wala kafir, mais il n'est pas non plus mécréant. Donc il est entre les deux. Ça, c'est une innovation. Hadha hukmuhum alayhi fi dunya. Ça, c'est le jugement qu'ils établissent concernant cet individu dans cette dunya. Mais concernant l'au-delà, ils disent, wa amma fi Cheikh Ubayd al-Jabiri dit, وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَيَقُولُونَ إِنْ مَاتَ دُونَ تَوْبَةٍ فَهُوَ خَالِدٌ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. Ils disent comme les Khawarij au final, dans le jugement, dans l'au-delà. C'est-à-dire que s'il meurt sans s'être repenti au préalable de son grand péché, ils disent alors qu'il sera éternel pour l'éternité dans le feu. فَوَافَقُوا الْخَوَارِجْ فِي حُكْمِهِ الْأُخْرَوِي وَاخْتَلَفُوا مَعَهُمْ فِي حُكْمِهِ فِي الدُّنْيَا وَكِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ ضَلَّتْ وَأَضَلَّتْ. C'est-à-dire que donc les Mu'tazilites, ils sont en accord avec les Khawarij concernant le jugement de l'au-delà par rapport à celui qui fait les kabair. Ils disent tous les deux, ces deux factions égarées, considèrent que le musulman qui s'est rendu coupable d'un grand péché et qui meurt sans s'en être repenti, ces deux sectes sont d'accord sur le fait de dire qu'il sera en enfer pour l'éternité. Mais par contre, ils ont divergé concernant son jugement dans la dunya. L'un des groupes, les Khawarij, disent qu'il est kafir directement dans cette vie d'ici-bas. Tandis que les Mu'tazilites, eux, ils le sortent de la position des musulmans. Il n'est plus musulman, mais il n'est pas kafir. Ils disent qu'il est entre les deux. Et bien entendu, c'est un égarement. Bien entendu, c'est un égarement. Tayyib. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah. Naam. Vous m'entendez pas? Là, tu m'entends ou pas? Non, c'est juste de toi, ça va. Ah, Tayyib, je lis ce paragraphe-là et on s'arrête là. Comme ça, le reste du verset, on le lira pour la prochaine fois, Inch'Allah. Je lis juste un dernier paragraphe et on s'arrête là, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, il dit, Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, « وَهَادَ اللَّهِ سُبْحَانَ عَزَّ وَجَلْ أَهْلَ السُنَّةِ وَجَمَعَ إِلَى الْقَوْلِ الْحَقِّ » C'est-à-dire que dans ce sujet-là, Allah a guidé les adeptes de la sunna et du groupe vers la parole de vérité, c'est-à-dire la parole qui est correcte. Wal mu'taqad as-sahih, et vers le dogme qui est authentique. Wal manhaj as-sadid, et la voie qui est droite, qui est correcte. Idh kana 'amaluhum wafqa an-nusus min al-Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fajama'u bayna al-wa'd wal wa'id. Donc justement, eux, leur position et leur manière d'agir a été une manière d'agir qui est en concordance avec les textes du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa jama'u bayna al-wa'd wal-wa'id, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé, ils ont réuni entre le fait de prendre en considération la promesse, c'est-à-dire la promesse du pardon, de l'absolution des péchés qui est mentionnée dans les textes, wal-wa'id, et les textes abordant la menace. Faqalu, ay ahlus sunna wa jama'a, c'est-à-dire, et donc ils ont dit, c'est-à-dire les adeptes de la Sunna et du groupe, inna murtakaba al-kabira fi dunya mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati. Ils ont dit que celui qui se rend coupable de l'accomplissement d'un grand péché dans cette dunya, il est considéré comme étant croyant de par sa foi, et il est fasiq, il est considéré comme étant un déviant, un grand désobéissant de par l'accomplissement du grand péché dont il s'est rendu coupable. Wa amma fil akhirah, mais quant à l'au-delà, et soyez attentifs à ce point, فَهُوَ تَحْتَ مَشِيَةِ اللَّهِ, il est sujet à la volonté d'Allah, c'est-à-dire qu'il est l'objet de la volonté d'Allah, il est sous la volonté d'Allah. إِنْشَاءَ اللَّهُ غَفَرَ لَهُ, si Allah veut, il lui pardonne, وَرَحِمَهُ, et il lui fait miséricorde, وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ, et l'introduit au paradis, وَإِنْشَاءَ عَذَّبَهُ, et s'il le veut, il le châtie, وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُطْ فِي النَّارِ, mais cependant, il ne s'éternisera pas dans l'enfer. Car comme Cheikh Zayd al-Matrali, rahimahullah, dans son explication de la Aqidah des deux imams al-Razi, avait dit que les gens du Tawhid, ils ont un endroit dans l'enfer qu'on appelle Tabaqatul Muwahidin, dans lequel ils sont châtiés. Et quand ils finiront tous par sortir de cette partie de l'enfer, cette partie de l'enfer s'éteindra. Mais le reste de l'enfer est éternel. Non. Donc on va s'arrêter là pour que vous puissiez aller à la prière, parce qu'à Montpellier, c'est différent des horaires que nous avons, nous, à Brest. Donc, barakallahu fikum. Si vous avez des questions, inshallah, transmettez-les aux différents responsables qui organisent ces cours. Transmettez-leur vos questions. Concernant ce qui a été mentionné dans le cours d'aujourd'hui qui n'est pas clair, qui nécessite clarification, qui peut être ambigu ou confus. Et Inch'Allah, je me ferai un plaisir d'y répondre selon mes modestes capacités et mes modestes compétences. Et si jamais je me vois dans l'incapacité d'y répondre, je transmettrai votre question au ma chère, Inch'Allah. Hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.